toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma, intitulée La Créhistoire du Cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission et je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi. Nous allons parler aujourd'hui de la quatrième partie du cinéma comique français en abordant plus en détail Francis Weber avec ses François Pignon ou François Perrin. Nous parlerons également des films de société, des apparitions de séries de films dans les années 90 et d'autres thèmes tous aussi intéressants les uns que les autres. Commençons donc tout de suite par parler plus en détail de Francis Weber avec ses François Pignon ou François Perrin. Le cinéma comique français a connu de nombreuses représentations des personnages de Francis Weber, François Pignon ou François Perrin. En effet, dans les films des années 80 aux années 2000, de Francis Weber apparaît le personnage de François Pignon, également appelé François Perrin. Le personnage de Pignon, Perrin, se démarque par sa candeur, sa naïveté, parfois à la limite de l'idiotie, en tant que personnage touchant, type assez normal mais naïf, voire poissard, qui, plongé dans une situation qui le dépasse, parvient à s'en sortir en toute inconscience. Ce personnage naïf est en duo et en contradiction avec un homme fort, entre guillemets. François Pignon ou François Perrin symbolise l'homme naïf qui est chanceux et qui, malgré ses faiblesses, fait face aux difficultés comparé à l'homme fort qui perd à la fin. Les films basés sur cet archétype ont beaucoup de succès. Avant que ce concept n'existe, on retrouvait déjà cela dans des formes de théâtre, comme avec la marionnette Le Guignol lyonnais du 19e siècle, sous le personnage de Cadet qui symbolisait l'homme naïf dans certains romans puis films des années 30 à 70, sous forme de conte et de morale, bien que cela, ne soit pas sous forme de duo comique. Nous pouvons donner les exemples de Le Schpoun, sorti en 1938, de Marcel Pagnol, avec Fernandel, dans lequel Irénée, joué par Fernandel, naïf, se fait au départ moquer et ridiculiser par une troupe de cinéma, mais dans lequel il aura un très grand succès à leur grande surprise. Ou encore La Belle Américaine, sorti en 1961, de Robert Derry, avec Robert Derry lui-même et Louis de Funès, dans lequel Marcel Pérignon, joué par Robert Derry, est au départ mis à la porte par son patron, joué par Louis de Funès, par cause de jalousie, mais aura une plus grande responsabilité que lui par la suite. On peut citer également Un idiot à Paris, sorti en 1966, de Serge Korber, avec Jean Lefebvre, Danny Carrel et Bernard Blier, dans lequel Goubi, joué par Jean Lefebvre, est au départ ridiculisé par tout le village et est considéré comme un fada, comprenez ici fou du village. Mais à la fin, il épousera une jolie femme, jouée par Danny Carrel, et aura une grande ferme à leur grande surprise. D'ailleurs, un de ceux qui lui avait fait un mauvais coup deviendra à son tour le fou du village à la fin du film. Nous pouvons citer également Le Viager, sorti en 1972 de Pierre Tchernia, avec Michel Serrault, Michel Galabru, Claude Brasseur et Gérard Depardieu, dans lequel Louis Martinet, joué par Michel Serrault, est un homme naïf qui risque d'être assassiné par toute la famille Galipo. Et ce sera finalement toute la famille Galipo qui mourra alors que Louis Martinet aura une vie supérieure à 100 ans. Dans ses autres duos comiques, avec le concept François Pignon de Francis Weber, nous pouvons citer le duo Gérard Depardieu-Pierre Richard, Jean Reno, Patrick Bruel, Thierry Lhermitte, Jacques Villeray, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Gad Elmaleh, ou encore Jean Reno, Gérard Depardieu. Tous ces duos ont rencontré un franc succès, comme le numéro 1 au box-office, des nominations au César, des victoires de César, des prix du meilleur acteur, ou encore de très bons résultats au box-office français. Passons maintenant aux films de société. Dans les années 70, le film Le Viager, de Pierre Tchernia et René Goscinny, fait référence, sous forme d'humour noir, aux éventuels problèmes liés à la vente viagère. Le film Les Valseuses, avec Patrick Devers, Gérard Depardieu et Miu Miu, à la fois comédie dramatique et comédie de mœurs, a presque fait 6 millions d'entrées en 1974. Dans les années 80, le film Pour 100 briques, t'as plus rien, avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, Anémone et Jean-Pierre Castaldi, fait référence au braquage en France dans les années 80, en particulier le gang des postiches. La réalisatrice Colline Serrault réalise un film de société célèbre sur la partenaire intitulée « Trois hommes et un couffin » avec Roland Giraud et Michel Bougelat, qui est le plus grand succès de l'année 1985 au cinéma, avec plus de 10 millions d'entrées. Le film « Les Ripoux » avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte est une comédie policière populaire mettant en lumière le phénomène existant et minoritaire de Ripoux dans le Paris des années 80. Le réalisateur Étienne Châtillaise réalise en outre deux comédies dramatiques, « La vie est un long fleuve tranquille » et « Tati Daniel » qui obtiennent de très grands succès. Enfin, sort le film « La Boum », l'une des premières comédies romantiques françaises réalisées par Claude Pinoteau. Ce film de société révèle la jeune débutante Sophie Marceau qui, avec L'étudiante en 1988, renouvellera son succès avec Vincent Lindon. Dans les années 90, le film Promotion Canapé avec Cyril Lhermitte, remake de Bel Ami, fait référence aux éventuelles promotions canapé dans les années 70 et 80. Une promotion canapé étant, selon une expression familière, un avantage comme une promotion ou une embauche qu'une personne a obtenue en consentant à avoir des relations sexuelles avec une personne ayant le pouvoir de lui attribuer cet avantage. Le film La Belle Verte de Colin Serrault fait référence sous forme de conte philosophique à des thèmes aussi divers que l'écologisme par le biais de dialogues ou de situations humoristiques. Enfin, sous forme de comédie romantique, les romans d'Alexandre Jardin sont mis au cinéma. Fanfan avec Sophie Marceau, Le Zèbre avec Thierry Lhermitte. En 2001, le film Tanguy d'Étienne Châtillaise donne son nom à un nouveau phénomène de société, le phénomène Tanguy, qui est le fait que les jeunes adultes tardent à se séparer du domicile familial. Passons maintenant à l'apparition de séries de films dans les années 90. À partir des années 90, plusieurs séries de films familiaux rencontrent le succès. Nous pouvons citer parmi celles-là la série de films Les Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier, la série de films Taxi avec Samy Nasseri et Frédéric Diefenthal, la série de films La Vérité si je mens avec Richard Anconina et José Garcia, la série de films Les Randonneurs avec Benoît Poulvorde, la série de films Astérix avec Gérard Depardieu qui est le seul acteur de cette série de films à avoir gardé son rôle d'Obélix durant tous les films de cette série. En effet, le personnage d'Astérix a été joué à tour de rôle par Christian Clavier, Édouard Baird ou encore Claude Cornillac. Enfin, de nouveaux acteurs se sont fait connaître par l'intermédiaire de la télévision, comme avec Les Nuls et Les Inconnus par l'émission La Télé des Inconnus et de la nouvelle source de diffusion qu'est Internet, comme Jean Dujardin avec son personnage de Brice de Nice. Les Inconnus ont réalisé au cinéma les films Les Trois Frères et Le Paris dans les années 90, Les Rois Mages et Madame Irma dans les années 2000. Les Nuls ont réalisé au cinéma les films La Cité de la Peur et Didier dans les années 90, Astérix Obélix Mission Cléopâtre et R dans les années 2000. Jean Dujardin, après s'être fait connaître par Internet, a commencé à s'orienter vers les séries télévisées comme Un gars, une fille, dans laquelle il jouait avec sa compagne de l'époque, Alexandra Lamy, avant de s'orienter vers le cinéma dans le début des années 2000, avec par exemple le film Ah, si j'étais riche. C'est ainsi que se termine cette quatrième partie sur le cinéma comique français. Dans la cinquième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des années 2000, qui constituent la transition dans le cinéma comique français, dans lequel nous trouvons des sous-parties, et si le genre nous le permet, nous parlerons de ce qui se passe à partir des années 2010. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Crise du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions bien entendu ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous. C'était Chris et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.